Actu, débat, culture, idées, musique. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe N'Roll. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe N'Roll. Comme chaque semaine, on parle de culture, de politique, d'actualité, mais surtout d'Europe. Retrouvez-nous tous les dimanches à 13h, tous les lundis à 17h30 sur Radio Fadjet, 94.2 FM. Et depuis la semaine dernière, la totalité de nos épisodes sont disponibles sur Spotify et Google Podcast. Cherchez simplement Europe N'Roll sur votre barre de recherche. Et en cas de doute, le premier réflexe est et restera encore A-N-C-H-O-R, pour les non-anglophones, qui rassemble tous les liens pour nous retrouver. Alors tout d'abord, mes excuses, mes chers auditeurs, pour ma voix, hein, terrible voix. En effet, l'automne nancéien a eu raison de mes pauvres cordes vocales, mais peu importe. Car si le froid avance à Nancy, ce n'est pas là une tendance globale. Fonte des glaces, incendies à répétition, tsunamis, bref, catastrophes naturelles. De tous bords, je ne vous fais pas un dessin, voilà les effets du changement climatique. Alors que la COP26 touche à sa fin, avec des résultats peu probants, ENR se penche sur la question de l'écologie en Europe. En fait-elle assez ? Bon alors, j'accueille en studio tout d'abord Cécile et pas Angelina, puisque malheureusement, elle est atteinte du Covid. Non, c'est un cas contact, je m'excuse, je ferai donc ses répliques. Bonjour Cécile ! Salut Juliette et bonjour mes chers auditeurs. Alors, je m'excuse moi aussi pour ma voix. L'automne nancéen, c'est une vraie épidémie. Alors, Une seconde. D'abord, je précise, je vais accueillir en studio plus tard Marc et Elias. Pas de problème. Donc, dans un instant, mais d'abord, c'est l'heure du journal européen avec Cécile qui m'a complètement gâché ma journée. Hein. Bonjour Cécile. Bonjour Juliette, bonjour chers auditeurs. Alors figurez-vous que le hasard fait bien les choses, car cette semaine, l'actualité européenne est aussi verte que le thème de notre émission. Est-ce que je vous fais un petit tour ? On n'en peut plus du suspense, vas-y. Ah, cet enthousiasme. En parlant de hasard, la Commission européenne semble vouloir le repousser autant que possible et garder fermement le cap quand il est question d'écologie, puisqu'elle a adopté mardi 3 nouvelles initiatives pour que le pacte vert devienne bien concret. Le pacte vert, Elias t'en parlera plus tard bien mieux que moi, mais l'objectif que tu dois retenir, c'est la neutralité carbone de l'Union européenne d'ici 2050 au plus tard. Mais comment on fait ça alors ? La dernière étape en date, ce sont ces nouvelles fameuses règles pour lutter contre la déforestation, faciliter le transfert de déchets à travers l'Union européenne et restaurer puis protéger nos sols. Par exemple, la nouvelle stratégie contre la déforestation reconnaît le rôle crucial des forêts dans la transition, souligne l'importance de respecter les compétences nationales en matière de protection et de gestion forestière et prévoit un nouveau partenariat pour promouvoir des produits à base de bois durables et soutenir l'innovation en la matière. L'idée de ces propositions, en somme, c'est de promouvoir l'économie circulaire, de protéger l'environnement et de réduire l'impact de l'Union. Mais chers auditeurs, je vous laisse garder le reste de vos questions sur le sujet pour notre cher Elias. Mais quelle belle cohésion à Europe N'Roll. Bon, l'actualité européenne, elle tourne pas seulement autour du pacte vert, dis-moi. Oh, j'aimais bien ma transition, mais puisque tu tiens tant à continuer de m'écouter, je dois avouer que tu as raison. On ne peut pas parler que d'écologie, hein, il faut bien aussi parler d'argent. Allez, chers auditeurs, accrochez-vous, je vais faire vite, c'est promis. Le Conseil et le Parlement se sont accordés lundi sur un budget 2022 provisoire, fixant le montant total des engagements à 169,5 milliards d'euros et celui des paiements à 170,6 milliards d'euros. Hein. En haut du podium, on retrouve le marché unique, l'innovation et le digital, suivi par la cohésion et les valeurs de l'UE. Et oui, l'environnement arrive lui troisième, la planète gagne donc une médaille de bronze. Une place importante quand on voit que le Covid-19 est lui toujours dans la compétition, avec des pays membres et une économie qui s'inquiète de la cinquième vague qui menace la santé publique européenne. C'est sur cette allégorie d'une qualité rare et exquise que se termine notre journal de l'actu européenne. Merci Cécile. On enchaîne tout de suite avec la suite de l'émission. Et d'abord, une petite pause musicale avec les relances que m'a écrite Angelina avec beaucoup de talent, je tiens à l'admettre. Et c'est parti. Donc après la déconstruction de Sandrine Rousseau, il nous faudra bien construire un monde nouveau. Tout cela se fera mieux en musique. Et donc Angelina nous a justement préparé une petite pépite pour aujourd'hui. Elle nous propose donc un titre de Feu Chatterton, un groupe français, des mélodies particulières et la voix du frontman Arthur Teboul crée une atmosphère unique entre nostalgie et espoir, ce qui vient souligner la poésie des paroles. Voici le titre « Monde nouveau » dont nous rêvons tous effectivement. souffle sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mauvais traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Dans l'oreillette qu'Angelina est revenue dans le studio. Merci beaucoup Angelina pour ce choix musical. On te retrouve très bientôt pour la suite. Alors j'accueille maintenant Marc et Eliès pour des chroniques qui ne manqueront pas de vous intéresser. Bon, commençons par notre cher Marc. Bonjour Marc. Salut Juliette. Alors cette semaine, on accueille sur notre campus nancéien l'homme politique français Pierre Larouturou, fondateur du parti Nouvelle Donne, qui sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine. Tu nous avais un peu dit spoil. Il a été élu eurodéputé en 2019. Il propose maintenant, aux côtés de Jean Jouzel, célèbre paléoclimatologue, tu nous expliqueras ce que c'est, peut-être, de mettre en place un pacte finance-climat. Mais alors, en quoi consiste ce projet de pacte finance-climat ? Bon, déjà, la paléoclimatologie, c'est l'étude du climat, mais sur des périodes très très longues. Et ce pacte finance-climat, bah, c'est ni plus ni moins qu'un projet de financement écologique radical. Radical en ce qu'il revient à la racine du problème, l'argent. Et oui, Cécile en a parlé, mais en fait, la Cour des comptes européenne admet qu'il faudrait chaque année 1115 milliards d'euros pour respecter ses engagements. Ces engagements sont par exemple l'objectif neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est donc ambitieux et ça demande des changements structurels considérables. Mais actuellement, avec son pacte vert, l'Union européenne prévoit de répartir ses 1000 milliards non pas sur un an, mais 10 ans. Ça paraît inconcevable quand les entreprises les plus polluantes allemandes demandent 50 milliards par an pour financer la transition de l'industrie. Et en plus, plus largement, si tu intègres dans l'équation les 27 États membres, tu t'en sors plus. La somme des 1000 milliards sur 10 ans paraît dérisoire. Ah, attends, je t'arrête. Il me semble que depuis la crise financière de 2008, la BCE a créé 4000 milliards ex nihilo, donc à partir de rien, pour les non-latinistes, hein, bien sûr. Pourquoi ne ferait-elle pas la même chose pour le financement de la transition écologique ? Ah, Juliette, tu m'as vu venir et tu touches là le problème du doigt. Pour Larutourou, ce que tu décris, c'est une contradiction majeure. Si on sauve les banques, pourquoi pas le climat ? Bien sûr, le problème est plus complexe. Mais il faut savoir que sur les milliards créés pour sauver les banques depuis 2008, plus de 80% sont partis à la spéculation et font gonfler les bulles sur les marchés financiers. En 2018, Christine Lagarde, alors présidente au FMI, le Fonds monétaire international, annonçait qu'à cause de cette spéculation abusive, on allait vers une crise plus grave que 2008. Et le pacte finance-climat dans tout ça ? Eh bien, ce pacte très ambitieux propose, entre autres, de réorienter une partie de la création monétaire de la Banque Centrale Européenne vers des investissements pour préserver notre planète. Cela permettrait également de créer des emplois dans l'économie verte, voire d'amorcer des nouvelles pratiques macroéconomiques. On voit bien aussi que la notion de crise est subjective. Car si la crise Covid a été financée en grande partie par la dette, pourquoi pas la crise climatique ? Cet emballement climatique sans précédent qui menace nos modes de vie ne mérite-t-il pas une réponse forte et radicale ? Et surtout, l'Union européenne va-t-elle déroger à ses engagements renouvelés récemment à l'occasion de la COP26 ? Pour Pierre Larutourou, ne pas agir serait pire que tout. Et c'est pour ça qu'il propose des solutions sérieuses. On peut encore citer le projet de création d'une banque européenne d'investissement qui financerait la transition écologique. Et le message de Larutourou est clair, les solutions existent, elles sont difficiles à mettre en œuvre, mais ça n'est pas un choix ou une option, c'est une nécessité. Merci beaucoup Marc. On rappelle que la semaine prochaine, Pierre Larutourou sera l'invité d'Europe & Roll pour parler écologie et parti de gauche en Europe. Donc, après cette chronique édifiante et écrite avec goût, je tiens à le préciser, je me tourne vers Elias qui aborde le plan de relance européen. Bonjour Elias. Bonjour. Donc, le plan de relance en Europe se présente comme le nouveau moteur européen qui permettra de ressortir plus fort de la crise que nous l'avons vécu. Que nous avons vécu, pardon. Mais concrètement, c'est quoi les buts ? On attend quoi ? Okay, alors, plusieurs mois de confinement ont mis à mal les économies des États membres, mais aussi le moral des Européens. L'avenir se présente donc comme moins enthousiasmant. De plus, la crise du Covid-19 a eu des effets à long terme. Pour en préserver les Européens, un plan de relance a été mis en place sur le continent. Il a pour but, certes, de limiter les dégâts de la crise, mais aussi de redonner confiance en l'avenir et aux idéaux de l'Union Européenne. Oh, que c'est mignon. Et la question climatique, alors, elle devient primordiale, voire inévitable ? Absolument, mais ça depuis longtemps. La crise du Covid a montré l'impact négatif des activités humaines sur la nature, qui est de fait polluée. C'est pour nous assurer un avenir et un bien-être que le budget à long terme de l'Union Européenne, associé au Next Generation UE, excusez-moi, l'instrument temporaire destiné à stimuler la reprise, constituera le plus vaste train de mesures de relance jamais financé en Europe. Un montant total de 2018 milliards d'euros en peu courant contribuera à la reconstruction de l'Europe de l'après-Covid-19. Dans une optique progressiste, cette Europe se veut plus verte, plus numérique, plus résiliente et mieux adaptée aux défis actuels et ceux à venir. Et c'est quoi la part du budget de relance européen ? C'est une part assez importante qui prouve une véritable volonté de l'Union européenne à donner le ton en matière de limitation des effets d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, le plan de relance, dans sa lutte contre le changement climatique, consacre 30% des fonds de l'Union européenne, soit la part du budget européen la plus élevée jamais enregistrée. La dotation totale du cadre financier annonce plus de 18,9 milliards d'euros. La Next Generation EU est dotée de 723,8 milliards d'euros sous forme de prêts et de subventions destinées à soutenir les réformes et les investissements entrepris par les pays de l'Union européenne. L'objectif est d'atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie du Covid-19 et de rendre les économies et les sociétés européennes plus durables et mieux adaptées aux défis posés par la transition écologique et numérique, aux possibilités qu'elles offrent. Et en France, comment se présente ce nouvel objectif européen ? La relance est l'occasion pour la France de développer massivement les énergies renouvelables, se positionner à la pointe des technologies vertes, de production d'hydrogène renouvelable et bas carbone, et aussi d'investir pour favoriser la transition vers des véhicules propres. L'objectif est de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone avant 2050 et de créer de la valeur sur le territoire. Concrètement, 1,35 milliard d'euros sont prévus par la France Relance pour accompagner cette mesure dans le cadre d'une stratégie nationale qui prévoit de consacrer 7 milliards d'euros au développement d'hydrogène bas carbone d'ici 2030. Dans son plan de relance européen, la France se veut plus verte, que les autres États membres en allouant 50% des moyens à la transition écologique et au climat. C'est davantage que les 37% exigés par Bruxelles, mais quand on regarde en détail, nombre de pays des autres États membres font mieux que la France en cette matière. En matière de Green Deal, la France fait en effet office de leader parmi les grandes économies du continent, que ce soit l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. En effet, elle compte allouer 50% des fonds qu'elle recevra à des initiatives vertes, soit 21 milliards d'euros, tandis que chacun des trois autres pays prévoit de consacrer autour de 40% de son budget au même titre d'initiative. Néanmoins, l'investissement français sur ce genre d'initiative paraît moindre comparé aux 86 milliards d'euros mis sur table par le gouvernement italien. Merci pour ta chronique, Elias. On retrouve maintenant Angelina pour une deuxième sélection musicale. Et oui, les considérations écologiques ne datent pas d'hier, et c'est justement ce que la chanson culte Ape Man des très britanniques Kings illustre. Avec le flegme anglais et le cynisme caractéristique du groupe, Ray Davies propose ici une satire de la société de consommation qu'il souhaite manifestement quitter pour retrouver la vie sauvage. Vision très caricaturale, on vous l'accorde, mais parfois il vaut mieux rire que pleurer de la situation environnementale. Je vous invite à faire attention aux paroles qui, ma foi, valent le détour, et j'espère que cette chanson vous plaira. Love. Merci encore une fois Angelina, et comme jamais 203, on se retrouve pour conclure l'émission en musique. Et maintenant le moment que vous attendiez tous, pour lequel vous trépignez d'impatience, l'interview. Alors Lucas, tu as réalisé une interview d'une personnalité politique écologiste, me dit-on dans l'oreillette. Oui Juliette, notre invitée de la semaine est économiste, spécialisée dans le domaine de l'environnement. Elle est également vice-présidente de l'Université de Lille, mais c'est surtout et avant tout une femme politique française, puisqu'elle était deuxième à la primaire du parti Europe Écologie Les Verts, qu'elle soutient d'ailleurs dans le cadre de la campagne présidentielle. Elle se définit elle-même comme éco-féministe. Vous l'aurez compris, nous accueillons aujourd'hui Sandrine Rousseau. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On voulait commencer en rentrant dans le vif du sujet avec une question d'actualité. On a observé ces derniers jours une hausse du prix des carburants et des énergies en Europe. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le gouvernement a proposé une aide de 100 euros pour les Français. Aide d'ailleurs qui a été largement critiquée de toutes parts, notamment par votre parti Europe Écologie Les Verts. Notre question, Sandrine Rousseau, c'est est-ce que la solution ne se situerait pas plutôt à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale pour cette hausse du prix des carburants et des énergies? Et si oui, quelle solution mettre à l'échelle européenne? Elle se situe à toutes les échelles, en fait. Hein. C'est-à-dire que face à une augmentation comme ça rapide du prix de l'essence, il y a une réponse européenne, il y a une réponse d'indépendance énergétique de l'Europe, il y a une réponse aussi géopolitique hein, de l'Europe sur les importations, et puis il y a une réponse nationale pour faire en sorte que les personnes qui subissent le plus la hausse du carburant puissent être indemnisées, compensées, qu'on puisse mettre en place une politique d'amortissage de cette hausse. Sachant que pour moi, et sans doute ai-je eu un discours un peu différent des autres personnels politiques là-dessus, c'est que l'essence continuera à augmenter, qu'on le veuille ou non d'une certaine manière. Et du coup, la question, c'est comment on fait en sorte, non pas ponctuellement, d'aider les populations, même si là, dans une situation d'urgence, il fallait le faire, mais comment on accompagne ces populations sur le moyen et long terme, et comment on a une véritable politique d'indépendance des énergies fossiles pour que les foyers les plus vulnérables n'aient pas à subir ces hausses, et qu'on ne donne pas trop de pouvoir à Poutine aussi. Vous parlez justement d'indépendance des énergies fossiles, et je pense notamment à des pays qui utilisent beaucoup d'énergies fossiles au sein de l'Union européenne, je pense à la Pologne, mais je pense aussi du coup, forcément à la Russie, notamment les gazoducs. Est-ce qu'il faut que l'Union européenne tout simplement coupe les ponts avec la Russie sur ce domaine? On est dépendant du gaz russe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la question du moyen et du long terme est absolument indispensable. Alors bon, il y a aussi un problème dont je n'ai pas parlé, qui est le marché en fait, énergétique européen, et notamment, alors ça porte pas sur l'essence, mais ça porte sur l'électricité et cette hausse de l'électricité et du gaz domestique. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, pour moi, il y a vraiment un truc d'indépendance de l'Europe là. Et en fait, c'est très fondamental. C'est-à-dire que dans la transformation écologique, dans l'évolution de notre société, même dans la déstabilisation du monde auquel on assiste, puisqu'on retourne quand même dans un début de guerre froide États-Unis-Chine, même si dans les derniers jours, il y a eu des tentatives d'apaisement. Donc en fait, il y a vraiment une question qui est presque revenir au fondement de l'Europe, et qui était d'assurer cette autonomie et cette indépendance, cette souveraineté européenne, et d'assurer de la même manière et dans le même mouvement un multilatéralisme dans le monde. Et donc, faire en sorte que les Français et Françaises, que les Européens soient indépendants énergétiquement, ça signifie qu'il ne nous faut plus nous chauffer ni au gaz, ni au charbon, ni au pétrole, qu'il ne nous faut plus utiliser de voitures thermiques, du moins pas en quantité et pas de la manière dont on les utilise aujourd'hui, et qu'on transforme aussi nos processus de production pour ne plus être autant dépendants. Donc en fait, c'est une transformation très profonde de notre société, de notre modèle de consommation, de notre modèle de vie et de notre modèle productif. Changeant un tout petit peu de sujet, pendant la primaire, on vous a souvent opposé à Yannick Jadot, qui lui incarnerait une écologie d'accompagnement, de rassemblement, tandis que vous assumiez une écologie radicale et sociale. Vous n'aviez d'ailleurs, concernant la hausse des prix, vous n'aviez pas le même point de vue là-dessus que lui. Comment expliquer que face à l'urgence climatique, en fait, les Français ne soient toujours pas prêts à élire un candidat qui s'assume du radical, du point de vue écologique? C'est une question. Moi, j'ai l'impression que il y a quand même eu aussi un enthousiasme que pour la première fois, on puisse porter la radicalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot-là de radicalité, comme le mot de décroissance qui a été porté notamment par Delphine Bateau, renvoie à quelque chose de nouveau dans le paysage politique. Et je crois qu'il faut aussi interpréter le fait que nous arrivions deuxième et troisième et que moi j'arrive à 49% à la fin comme un désir de radicalité. C'est-à-dire que contrairement finalement à la question que vous posez, je pense qu'au contraire la société française est prête à entendre une transformation profonde de notre société pour faire face aux défis environnementaux. Et je pense que voilà, il y a eu un espèce de petit coup de pression, une espèce de dernière ligne droite où finalement le raisonnable et quelque chose de connu aussi l'a emporté, mais on n'était quand même pas très loin d'un autre score. Et je crois qu'il faut aussi l'entendre, vraiment, parce que je pense que ça dit quelque chose aussi. Si le peuple est... Surtout que pour la première fois, il y a eu autant d'inscrits à la primaire. C'est-à-dire que pour la première fois, ces débats-là ont fait venir des gens à la primaire. Et moi, j'ai rencontré après plein de gens, y compris des journalistes, qui me disaient « Mais on regrette ce moment de la primaire où finalement, il y avait des débats de fond sur comment faire cette transformation écologique. » Et là, depuis, on est retombé dans un échange politique assez classique, droite-gauche, extrême-droite, enfin voilà. Enfin, la Convention citoyenne, elle avait été instaurée dans un désir de faire parler les citoyens d'une démocratie directe, en fait. Il y a un autre exercice à l'échelle européenne qui a été lancé dans la même idée, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui avait été lancée en mai dernier, dont les résultats devraient tomber en mai 2022 à peu près. Puis est-ce que vous pensez qu'elle peut porter des propositions qui obligeront les 27 États membres à adopter des mesures assez conséquentes pour lutter contre le réchauffement climatique? La conférence pour l'avenir de l'Europe a été faite suite au Brexit et pour refonder en fait une forme de projet européen, un avenir européen, un ensemble européen. La question n'est pas que écologique et n'est pas qu'un ensemble de mesures. C'est-à-dire comment on fait Europe, comment on fait société en Europe et comment on fait politique en Europe. Et finalement, si on arrive à l'issue de cette conférence à juste une série de mesures qui soient un peu environnementales, un peu sociale et un peu démocratique, on aura raté, je pense, un coche. Parce que là, il faut regarder la montée des nationalismes en Europe comme une vraie menace, en fait. Et pour contrer ces montées de nationalisme, qu'est-ce que l'on doit faire? Et moi qui suis économiste, je pense par exemple que la question du libéralisme est une question qu'il faut regarder de très près. C'est-à-dire quelles ont été les conséquences sur la société européenne de ce libéralisme? Quelle a été la conséquence sur les classes moyennes et les classes ouvrières, les classes laborieuses? Quelles a été les conséquences de cette libéralisation sur aussi une forme de perte de valeur du travail, de la nature, du rapport à la nature, etc. Et du coup, quelles conséquences ça a dans l'esprit des personnes qui ne se retrouvent pas ni dans le travail qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, ni dans le projet européen dont ils ne voient que la face finalement dangereuse en fait pour eux, pour leur travail, etc. Et donc sortir de cette conférence avec un ensemble de mesures, ce serait à mon avis rater complètement l'objectif. Voilà. Quel est votre avis en tout cas sur le plan Next Generation EU et le Green New Deal proposé par la Commission européenne et porté très largement par Ursula von der Leyen? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut quand même quelque chose de beaucoup plus ambitieux? Aujourd'hui, ça n'est pas la solution. Et donc, il nous faut revoir même le système même de croissance, le système même selon lequel le profit est à la source du financement, par exemple, de toute protection sociale, que cette croissance est à la source de la cohésion sociale. Et donc, un Green New Deal n'est qu'un pansement, mais un pansement qui ne nous permet pas de rester en dessous des 1,5 degrés. 1,5 degrés, je rappelle que pour atteindre 1,5 degré, il nous faut diminuer de 80% nos émissions de CO2 d'ici 2050. 80% de nos émissions de CO2 d'ici 2050. 80%, c'est-à-dire qu'il nous faut changer radicalement notre manière de vivre. Donc ce n'est pas juste un soutien à des entreprises. Merci beaucoup Lucas pour cette interview fascinante. Merci beaucoup Sandrine Rousseau pour votre participation également. Donc, avant de conclure cette émission, n'oubliez pas qu'elle est à écouter sur Radio Fadjet et à réécouter sur encore au Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Gauche en Europe. On y parlera évidemment politique, mais pas que, c'est promis. Et en prime, nous aurons une interview de Pierre Larouturou. Donc ne ratez pas ça. Et en attendant, n'oubliez pas de suivre Europe & Roll sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et nous, on va se quitter en musique avec un dernier choix d'Angelina. Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Eh bien, la dernière chanson est celle du très grand, que dis-je, de l'illustre Jean Ferrat. Les paroles sont poignantes et je suis particulièrement ravie de passer cette chanson aujourd'hui tant elle est l'écho de la situation actuelle. J'espère qu'elle vous plaira. Voici « Restera-t-il un chant d'oiseau » de Jean Ferrat. Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans. On mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?